Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Filles le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis là, at this point, on est assez loin dans 2022 que si vous n'êtes pas déjà obsessed avec Motomami de Rosalia, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Comment meublez-vous votre temps? Mm-hmm. Là, je veux dire, mais c'est « it's yours to discover », parce que vous l'avez, vous n'avez pas encore tombé dans ce wormhole-là, puis ouais. Pour vrai, life-changing. Oui. Ça fait longtemps que j'avais pas comme stan a pop star comme ça, là. Je suis literally obsessed. C'est vrai. T'es pas tant... À part Céline, je te vois pas stan tant que ça. Ouais, et puis tu sais, Céline, je veux dire, étant genre un homosexuel franco-québécois, je veux dire... Default, là. Genre, ça Gaga, va. Ça je sais. You don't stan. Non. On ça, a, je on... l'ai expérimenté. Ah first. Oui, on a stan. Ah, j'excuse tellement. J'avais réussi à amener Jess dans un party, puis genre, après une heure, j'étais juste comme, faut y aller. Une heure, trois tunes, c'est 8 minutes, ça. Oh my God. T'as eu le temps de te faire friendship par trois personnes. Alors, toujours dans l'ordre du rose, moi, my c'est Jess PBM. My biggest enemy is me, poppin' 911. Ordre du rose, oui. C'est moi ça aussi. Oui. On se partage la vidange. Uh-huh. Jess PVM, grande bipolaire, sobre, non-binaire, agréable, de bonne compagnie, jovial. Mmh. Moi, c'est quoi mes intros cette semaine? J'en ai une coupe en rafale. Rentrez vos plantes, on va bientôt avoir une gelée au sol. On est en octobre, tout le monde. Et j'ai déclaré que le cinéma est un art mort et on n'en parlera pas ce soir, c'est pas ça le sujet. Ouais. Ce matin! J'aime ça que tu fais juste le drop hors contexte. On avait une discussion avec notre écoutez invité d'ailleurs, séries. Parce qu'on va vous dire qu'on n'est pas tout seul dans quelques instants, ça mais pas tout de suite. On va vous le dire. Mais c'est ça. Puis là, Jess fait juste dire tel un vieux de la vieille de la FEA qui genre fume des clopes roulées puis qui boit de la bière noire. Oui. Que la jeunesse. Le cinéma est mort. Le cinéma est mort. Il n'y avait vraiment pas de contexte, non. C'est juste ça a émergé. Voilà. Oui. Oh, moi, Marie-Lou, Marie-Lou Kraft, qui est avec nous bonjour. Autres. Je vais la présenter plus tard. Je vais la présenter plus tard, mais on était juste en train de dire. On est dans le même sujet, là. On était en train de dire qu'on ne savait pas quoi regarder comme lui, puis qu'on n'en regardait pas souvent. Puis le Jess a juste, à brûle pour point, dit que le cinéma était un art mort. Puis là, on a été mis au courant. Oui, ça a mis fin à la conversation. Fait que. Vous vivez dans le futur qui nous écoutez, mais on est encore en Virgo season 7, fait que je suis encore extra dry. Ouais. Ouais. Fait que on est avec Marie-Lou Kraft. Oui! Autrice, traductrice, éditrice et conseillère dramaturgique. Elle est actuellement membre du comité de rédaction de la revue Estuaire et conseillère dramaturgique associée au Centre des auteurs et autrices dramatiques, CEAD. Bonjour. Bonjour. Ça va Virgo season, c'est-à-dire que moi je trouve ça trop dry pour mon goût. Il pleut, mais j'avoue que j'ai quand même pre-drink du café. Là, moi avant de m'en venir. Ouais. Je lutte. Excellent. J'aime ça que tu l'as vraiment pris comme un pré-drink parce que le vrai drink se passe pendant. Oui, je me sentais mal. J'étais comme, j'étais en train de vendre des punch, pas du café. Oui. Je vais essayer de me calmer, comme ça, il va y avoir une belle montée dramatique d'énergie. Puis je vais vous matcher dans le One noted, 100% all parfait. The time. Ah oui. Sinon, comment ça va? Ça va? C'est ça. The dryness, the rain. Ouais, 2022, plusieurs années de suite qu'on se dit « Ouais, cette année, hein? » J'aimerais mieux être moins sèche, mais au moins je suis en vie. Écoute, contrairement au cinéma. Ben, tu sais, C'est ça. Je me sens comme une houseplant que t'as, tu sais, qui fait juste dépérir puis que tu sais plus. Là, t'as essayé de l'arroser. T'as pogné la gelée au sol. Est-ce que j'ai pas tout prédit dans cet épisode-là? T'as essayé j'ai pas de l'arroser moins, t'as essayé de l'arroser plus, t'as essayé de, tu sais, changer le pot, faire du. Non, ouais, juste, tu sais, mais sur une pente descendante. C'est vrai que quand je te regarde, les feuilles sont jaunes. Ah, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, on aborde une des oppressions les plus structurantes que tout le monde connaît, mais qu'on aborde très peu. Ouais. Dans le fond. Le classisme. Le classisme, qui n'est pas cette habitude de se réunir dans une classe d'école, mais bien les différences entre les différentes classes sociales. On va toutes définir ça tantôt. Et on vous parle bien sûr de comment le classisme est aussi peu discuté dans les milieux de gauche, alors qu'il est pourtant à l'origine de toutes nos luttes. Puis, on est d'abord sur classisme et queerness. Qui sont ces queer classistes? Allô? Bonjour, Virgo, présente. Fait qu'on s'en va se chercher un café très cher dans un club exclusif où seuls nous avons accès parce que nous avons tous ces privilèges et ces ressources-là. On va aller déchirer nos chemises en s'ostinant sur une page de Proust. Parce que je veux juste rappeler à tout le monde que nous, la source de nos richesses, comment on extirpe ça au prolétariat, c'est notre Patreon. Vous pouvez vous abonner. On vous invite à cultiver cette richesse faramineuse-là qu'on a. Nous, on est rendu à un tel point, à un tel niveau de richesse que s'il n'y a pas de criminels de guerre, on vient pas à ton party. Là. Exactement. Comme, on est comme ça. That's it. Fait qu'on s'en va dans le club exclusif, prendre un café très cher et on vous revient. Over café. on est revenu de ce club privé où le prix d'un café est celui d'un repas familial dans n'importe quel restaurant où c'est pas ces mêmes prix-là. On est avec des gens qui... Ouais, mon âge à la précision. Moi, là, pour on vrai, sait vraiment de quoi qu'on parle. Moi, je vais être sharp. Là. Moi, je vais être sharp dans les discussions. On est avec du monde tellement riche qui disait yacht puis pas yatch comme du monde pauvre qui savent pas comment prononcer yatch. Fait que c'est ça. Yatcht. Moi, j'ai dit yatch toute ma calice de vie avant d'être avec des Français qui étaient comme, mais voyons, c'est yacht. C'est, puis moi, c'est j'étais vraiment comme... gênant, on s'entend. Oui. Non, mais moi, j'étais comme tabarnak. On vit au Québec. First, l'accès à l'eau. Quelle eau? Où tu veux aller avec ton yatch? Qui a besoin de parler de yatch? Qui a cette richesse-là? C'est ça. J'étais comme, c'est correct, là. En tout cas, tu savais-tu, toi, que c'était yacht dans la vie? Non. C'est ça? Non, moi, je dis encore mémé puis gif. Moi, je pense que je le sais juste parce que j'ai étudié en théâtre. Fait qu'à un moment donné, bon, tout le temps, quelqu'un qui finit par parler de yacht avec un français international. Oui, en théâtre, c'est connu, tout le monde le sait. Français normatif. Oui. Ouais. Ben, j'aime ça que l'épisode sur le classisme, on a appris aux gens comment prononcer yacht. Ouais. Fait que... Fake it till you make it. Ben, ça commence de même. OK, mais là, de quoi on parle quand on parle de classisme, là, la gang? Dans le vif du sujet, fuck les yachts, là. Je pense que l'exemple le plus facile, genre, c'est les maudits BS. Ça, c'est genre la chose qu'on entend le plus souvent, partout, tout le temps, non-stop. C'est vraiment le c'est le B-word des pauvres, genre, c'est vraiment... Ceux qui profitent du système. Cet archétype-là, on le connaît, c'est le plus facile. Je pense que c'est la première affaire qui me vient en tête, genre, c'est ça, c'est la haine du pauvre. Mais tu sais, ça, c'est genre une manifestation très concrète, très commune, mais tu sais... Très facile, c'est la première à laquelle tu penses. Je pense quand même aux classistes comme juste des détails de distinction de classe qui passent juste du petit dédain de... Tu sais, je veux dire... ça se ramifie. Jusqu'à, genre, l'exclusion, genre, pure et dure de gens... Puis c'est le classiste, c'est super facile d'exclure parce que t'as juste à mettre un prix sur les choses. Oui. Ouais. Ouais, puis c'est aussi très structurel aussi. C'est aussi tout le phénomène où plus justement tu es d'une classe sociale privilégiée, plus tu as accès à la classe sociale privilégiée, puis moins tu y as accès, puis plus c'est difficile de l'atteindre dans le fond. Oui. Puis tu sais, les gens qui y ont accès ont l'impression qu'ils ont travaillé fort, puis en travaillant fort, ça mène à des résultats. Puis si t'es pas rendu là, c'est juste que tu as travaillé moins fort, puis ils réalisent pas qu'en fait, il y a certaines classes sociales où justement, il y a aucun niveau d'effort que tu peux mettre dans le travail qui va faire en sorte que tu viens d'une famille d'avocats, par exemple, fait que tu as grandi à c'est quoi, puis comment ça marche. Il y a aussi des avantages sociaux d'être dans un milieu, je pense. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est lié à plein d'affaires. Moi, tu sais, pour faire une croche là, sur la question de c'est quoi le classisme, j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui parce que... sujet suggéré par l'invité. Exactement. Parce que, tu sais, vous me demandiez de quoi j'avais envie de parler, puis j'avais vraiment envie de... Je te le demandais pas, moi, pas là-dedans, c'est Charlie qui te demande. Non, c'est vrai, j'ai menti. J'essayais d'être dans l'inclusion, mais c'est correct. On l'a traîné ici de force, ça y tarde jamais, si. C'est moi qui a craint sur mon projet depuis le début. S'il te plaît, Jess, fais le podcast. Ah oui, elle aïe ça, si qu'elle aïe ça, qu'elle a hâte d'aller se coucher. Mais oui, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, pour me situer aussi, tu sais, je suis une personne qui a étudié toute ma vie dans le milieu théâtral. J'ai étudié le théâtre, je suis en art, en culture, je travaille en littérature maintenant, comme vous l'avez dit au début. On est un groupe non-mix de Saint-Louis-Cam. Exactement. Ouais. Un groupe et privilégié. On parle de classisme ensemble. Exactement. On a fait des études supérieures. Mais aussi, tu sais, j'ai vraiment, il y a beaucoup de ma vie qui a été gobée par, tu sais, déconstruire ce que je vis comme racisme, puis parler de ça. Mm-hmm. Puis j'ai passé énormément de temps à parler de ça et comment ça affecte les milieux culturels notamment. Ouais. Mais c'est assez récent que je réalise que, ben, il y a quand même beaucoup de choses que je vis qui peuvent se résumer par, ben, je suis victime de classisme, en fait. Puis c'est tellement insidieux pour moi que c'est ultra récent que je m'en rends compte, tu sais. Puis pour moi, c'est des choses qui, ben là, tu sais, on vit une pandémie, des confinements, puis là, moi, j'arrive là, faire la mi-trentaine en ce moment, fait que là, le baby boom autour de moi était super exacerbé par la pandémie, tu sais. C'est vraiment de faire... Vos photos de bébé, vous êtes oui, puis c'est vraiment de vivre le truc de comme, OK, fait que là, on était tous des artistes pauvres ensemble, OK? Puis c'est ça que vous disiez. Et là, soudainement, quand vous rushez, vous popez une maison de votre cul, puis comme, OK, fait que vous étiez pas pauvre, vous étiez cassé parce que vous économisez pour une maison ou faire des bébés, là, alors que moi, je reste pauvre en ce moment. Fait que des affaires comme ça, où l'autre affaire que j'ai réalisée ces temps-ci, c'est que j'avais bien de la misère avec le concept de genre. Je me disais, je pense que je suis pas vraiment une vraie adulte parce que, tu sais, le monde gère son argent puis fait des économies puis ils savent parler de comme comment faire fructifier ci puis ça puis de trucs de techniques de maison. Puis là, je suis comme, mais comment ça que je comprends rien à la vie puis aux investissements? Je pense que je suis pas assez adulte encore. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, je suis juste pauvre, je suis juste pas bourge, je connais pas ces affaires-là parce que j'ai jamais... été dans ce milieu-là, tu sais. Fait que là, je commence à voir qu'il y a beaucoup de malaise que je vivais dans ma vie qui était probablement dû à ça puis que je me rendais pas compte parce qu'il y avait une espèce de vernis de tout le monde est dans le même bateau. Oui. Dans le même yacht! Dites-moi si vous êtes d'accord, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de quand même particulièrement intéressant avec le classisme puis le contexte culturel au Québec où on a quand même des mythes fondateurs forts sur les relations de classe qui sont différentes que dans des pays comme, mettons, la France où, genre, t'as comme une tradition de classisme puis de scanner les gens selon leur accent, comment ils se présentent, leur appartenance, où c'est beaucoup plus classiste, to the core. Ouais. Tandis qu'ici, l'espèce de mythe de, ben, tu sais, on... Genre, historiquement, on n'a pas eu accès à de la mobilité économique. Ça s'est passé plus récemment. Fait que, tu sais, tout le monde... On est né pour un petit pain. Né pour un petit pain. That's it. Genre, hashtag né pour un petit pain. Mais, tu sais, c'est vrai qu'au Québec... La légende qu'on blâme le succès au Québec. Ouais, mais aussi, c'est qu'au Québec, c'est vrai que, dans les faits, la mobilité sociale pour les masses est arrivée très tard. C'est-à-dire, c'est plus la génération de nos parents que de nos grands-parents. Moi, je me méfie des gens qui ont des grands-parents riches parce que je suis comme, OK, fait que ça, c'est it's old money, là. Parce que je veux dire, moi, mes mères étant dernières de leur famille, mes grands-parents étant très vieux, yo, là, quand mes parents parlent de leur réalité, mais ça a l'air d'être comme absolument, ça a l'air de pas être au même endroit, là, genre dans le Saguenay-Prolo et tout. C'est juste que je trouve qu'il y a pas un acknowledgement de la mobilité sociale auquel les gens ont eu accès, surtout de la majorité blanche francophone. Ouais. Puis que, ben, c'est au Québec, on n'est pas dans une culture flashy de mondanité, de, tu sais, il y a personne. Tu te promènes dans Montréal avec des lunettes de designer qui valent 400$. First, les gens clock pas que ça vaut 400$ parce qu'ils savent pas. Puis, c'est pas quelque chose qui est bien perçu, qui se distingue de cette manière-là. Fait que je trouve que les gens ont tendance à, justement, comme pas à se défiler dans leur positionnement sur la classe sociale, mais à prendre le beurre puis l'argent du beurre, c'est-à-dire être d'un côté du privilège puis dire des affaires ben rad, mais sans avoir acknowledge quoi que ce soit, parce que personne ne demande jamais, parce qu'on est, on se voit très comme un bloc homogène. Ceci étant dit, je dis des affaires de même. Puis, est-ce que je pense que le classisme, là où la violence la plus pernicieuse se passe, c'est entre les petits bourgeois gentrificateurs et le monde qui sont pas nécessairement dans la pauvreté, mais qui ont pas nécessairement beaucoup de cash flow ou de liquidité? Je pense que les vraies violences de classe, on s'entend, là, c'est genre entre ceux qui possèdent tout et ceux qui ne possèdent rien. Genre, t'sais, c'est-à-dire que... Je pense que dur à dire parce qu'un amène l'autre. C'est le seul temps où la théorie de l'écoulement fonctionne. C'est quand on prend genre ces grands oppresseurs, genre des multimilliardaires, ou même genre t'as même pas besoin de terrain d'un multimilliardaire, passer une couple de millions, t'es clairement t'en as trop. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de quand même assez sournois dans le fait que il y a comme un truc où je sais pas si c'est exacerbé par la posture au Québec, là, justement, de cette pression-là de nez pour un petit pain, mais on a toujours l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que nous puis qui est responsable de tous les problèmes. Puis que nous, on n'a pas assez pour vraiment avoir un rôle là-dedans. Puis je pense aussi à quand on parle de classisme. Moi, pour moi, il y a différents types de classes. Il y a comme une espèce de richesse très technique, mais il y a d'autres types d'accès. Comme moi, par exemple, je suis dans le milieu culturel, je suis toujours, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent, je trouve ça super rushant, puis je trouve que c'est facile de percevoir ça comme un, ben moi, je suis responsable de rien, c'est pas moi qui cause la gentrification, puis rien parce que j'ai pas vraiment d'argent, tu sais, mais en même temps, j'ai eu accès à des études supérieures, tu sais, je suis dans une espèce de bourgeoisie culturelle, I guess, tu sais, genre, c'est pas vrai que j'ai pas accès... C'est une différente forme de capital dans ce cas-ci. Ben ouais, c'est ça, mais c'est comme un brain fuck d'une certaine façon, parce que tu sais, d'une façon, tu peux avoir full de visibilité, full de capital comme culturel, social, puis en même temps, t'as aucunement les sous qui viennent avec. Uh-huh. Fait que tu te perçois tout le temps comme une personne qui est vraiment pas classiste, alors que peut-être que oui, tu sais, t'es en train d'exercer quelque chose. C'est crazy les levels, parce que genre, mettons, moi, une partie de ma famille au Saguenay est dans une ville minière où les hommes font des salaires, mais genre pas d'allure. Ouais. C'est juste que en termes de capital social, culturel, c'est genre, à peu près, c'est des gens qui ont absolument pas d'éducation supérieure, qui ont absolument, tu sais, comme, à l'école, c'est pas que dans ces écoles-là, ça va, ben, les enfants ont des problèmes d'apprentissage parce que la famille est défavorisée économiquement, c'est genre ouais. culturellement, socialement, tu sais. Mais ces gens-là me pètent la gueule en termes de genre de patrimoine puis de genre d'avoir. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est weird, genre. Mais c'est ça que je trouve complexe parce qu'il y a aussi des trucs avec le champ. Ben, tu parlais plutôt de justement l'évolution puis ces dernières années, tout ça. Je trouve qu'il y a certains changements aussi, comme par exemple des gens qui ont été ouvriers toute leur vie puis que, tu sais, ils se voient vraiment comme des personnes exploitées, puis c'est le cas, là, on s'entend. Mm-hmm. Mais en même temps, là, on arrive aujourd'hui où est-ce qu'ils sont parmi les dernières générations à avoir une job avec des avantages ouais. sociaux, puis alors qu'il y a plein de gens qui sont contractuels éternellement, puis qui sont de plus ouais. en plus sous-payés, puis que là, ça finit par avoir une différence de réalité qu'eux, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils voient vraiment leur exploitation, puis à quel point ces jobs-là sont difficiles. Puis en même temps, ça multiplie les différentes postures où est-ce que tu peux justement rusher, puis pas avoir accès à ce que d'autres ont. T'sais. Fait que ça, je trouve ça assez complexe aussi à naviguer. C'est là que c'est sournois parce que être pauvre, c'est. Tu sais, je veux dire, je suis fier d'être non-binaire, je suis fier d'être queer. Ouais. Tu peux être fier d'être. C'est cocasse de débarquer et de dire, moi, je suis fier d'être pauvre, c'est mon succès, mais, c'est ma réussite, mais c'est ma communauté, les pauvres. On, ouais. on reste dans le même temps. Non, mais c'est un point fucking intéressant ouais. parce que c'est vrai ouais. que c'est là que le classisme est super pernicieux puis finit par gagner parce que les gens ont fucking honte d'être pauvre. C'est ça. Pauvre. Ouais, ben c'est ça. Puis ça, c'est une honte qui est déterminante, là. C'est-à-dire que, OK, not moi qui plug un livre, mais. Non, mais pour vrai, je parle, je lis genre, tu sais, je lis un livre, la fois c'est où l'épisode sur le classisme qu'elle va faire. Ah, je plug. Non, mais Chris, que je lis pas, mais en tout cas, j'ai lu un livre de Didier Ribon qui. OK, lui, let's go. Ah ouais, on parlait. Des noms, let's go. Moi, j'ai lu Foucault. OK, qui c'est non, non, non, non, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il parle de justement être. Parler d'homosexualité dans une élite intellectuelle parisienne où, genre, oui, c'était comme. C'était difficile ou mal vu, mais jamais autant que d'être pauvre, de venir d'un village où les gens n'ont pas d'éducation, n'ont ouais. pas de culture, ah, ben oui. ça va pas s'exprimer, puis que ça, c'est. Ça, c'est beaucoup plus profondément honteux. C'est-à-dire que tu vas jamais. Ton identité quittée, tu peux comme. C'est, tant que tu es dans un cercle bourgeois avec genre du capital ouais. économique, social, intellectuel, tu peux défendre ça, mais la pauvreté, c'est super difficile à défendre sur le plan de genre de la honte versus capital ah ouais. social et tout, tu sais. Oui, puis tu sais, je veux dire, il y aura tout le temps le petit discours de si moi je suis capable, tout le monde est capable. Mais oui, mais ça, oui. C'est un peu le problème parce que, tu sais, then again, ça serait bizarre pour le monde de dire si moi je suis straight, tout le monde peut être straight. Ben oui. Pis, ou mieux encore, ben ça, il y a des gens qui le disent à journée longue, si moi je suis blanc, tout le monde devrait être blanc, on l'entend partout, mais personne ne veut l'admettre. Ben oui, puis je pense que ce qui est touché aussi avec toutes ces affaires-là, c'est que finalement, les personnes, ça devient encore plus sneaky, parce que les personnes qui sont vraiment riches ou qui sont super aisées, ben là, ils sont mal à l'aise ouais. de, parce que, tu sais, n'est pas petit pain, tout ça, faut que je sois un peu low profile. Mm-hmm. Fait que là, eux, ils se sentent à l'aise d'avoir l'air pauvre, mettons, tu sais, d'avoir du linge de friperie, puis là, tu sais. Ben le mouvement hipsteriste, ben ça. Oui, là. Puis, tu sais, genre, je vous regarde, là, les jeunes anarchistes dans une commune ouais. qui sont comme, ouais, fuck le système. Puis là, finalement, ils sont vraiment riches. Ouais. Là, mais tu le sais pas, tu sais. Donc, alors t'es tout que... à la Saint-Laurent, là, où les gens passent leur vie à faire semblant d'être pauvres. C'est ça. Mais là, mais à côté de ça, te mettons une personne qui a été pauvre toute sa vie, puis que, tu sais, qui a grandi sur l'aide sociale dans un HLM. Puis là, après ça, elle arrive là, à être dans un milieu ouais. où est-ce que les gens sont dans une autre classe. Puis là, tu sais, c'est qu'il faut qu'elle les accote, là, cette personne-là. Ouais, fait ouais, que ouais, elle, ouais. Elle va arriver à soigner son apparence, tu sais, un peu voir c'est quoi les codes, puis essayer. De passer, tu sais, d'une certaine façon, puis elle va jamais... Puis là, après ça, quand elle va avoir un langage qui est plus populaire, quand elle va avoir, tu sais, quand elle va un peu trahir qu'elle a pas ces références-là, ouais. elle a juste l'air d'être conne, tu sais, puis de pas oui. travailler assez fort, alors qu'elle vient juste pas de cette classe sociale-là. Ou la vieille idée aristocrate d'être une parvenue, là. Ouais. Genre, t'es arrivé là par hasard, genre, t'as pas un titre qui date, whatever, là, ça existe encore aujourd'hui, genre que tu vas atteindre une certaine classe sociale, mais les références, le vocabulaire même, ouais. de ce certain point, va décaler, genre, puis là, les gens vont faire comme... Oui. Puis on le sent en culture beaucoup. Soucieux, là. Soucieuse, là, ouais, ouais. tu sais, t'arrives dans un milieu, je sais pas, t'étudies en littérature, en théâtre, puis t'as pas lu tous les livres, puis tu connais pas toutes les références. Tu sais, j'ai étudié en théâtre, puis à un moment donné, on s'entend que les personnes qui décident c'est quoi du bon théâtre, tu sais, c'est pas du théâtre burkinabé là, qu'on apprend à l'école. Non. Fait que là, si toi t'arrives, t'as pas ces références-là, c'est comme t'as juste pas de culture, non, en non, fait. Ils vont te parler de Wajdi Mouawad pendant 167 ans parce que c'est donc pratique d'avoir. Ouais, ouais. C'est tout, c'est la seule personne qui connaît, c'est l'enfer. C'est la diversité bourge. À la mode. Oui, c'est ça. Moi, j'avais lu, puis j'avais trouvé ça fou, que le déterminant le plus majeur en termes de avec qui t'entres en relation amoureuse, C'est la classe sociale. Ah, mon Dieu. Ah ouais. Et pour qu'une relation dure, ouais. Genre, c'est vraiment compliqué de faire du ça. Puis je comprends aussi, c'est vrai que... Je veux dire, il y en a combien de ce petit profil Grindr que c'est comme si t'es pas capable d'épeler, je veux pas te parler. Ouais. Là. Non, mais même ouais, pas ouais. juste ça. Genre, moi, j'avoue que j'aurais de la misère à gérer ma vie au complet avec un partenaire de qui je suis proche et avec qui je fais des plans communs, ouais. avec quelqu'un qui a drastiquement plus de moyens que moi ou drastiquement moins de moyens que moi. Vraiment. C'est puis, compliqué. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'intersections dans toutes les différentes formes de pression, puis de pouvoir, puis de déséquilibre de pouvoir entre plusieurs personnes. Puis ouais. Moi, c'est un truc qui est assez récent aussi que je réalise parce que, tu sais, moi, vu que j'ai tellement été dans le militantisme, l'antiracisme et tout ça, ça force aussi parfois à créer des communautés, par exemple, juste de personnes noires ou juste de femmes ouais. noires. Et là, tu as l'impression d'avoir une solidarité homogène ou vu qu'on est toutes contre le même problème, ouais. on se ressemble, tu sais. Puis là, finalement, dans ce groupe-là, ben, y a peut-être vraiment des différences, justement, de classe et tout ça. Puis je trouve que là où ça devient compliqué, c'est que... ben on peut être situé à différents endroits sur le spectre, justement, de pouvoir. Tu sais, moi, j'essaie vraiment d'apprendre, de me déconstruire. Puis moi, je sais que j'ai certains privilèges. Tu sais, moi, je suis une personne qui est noire, mais qui est plus pâle. Tu sais, j'ai grandi ouais. dans une famille, ma mère est blanche. Tu sais, j'ai pas d'accent. Mon nom, il sonne pas comme une personne racisée. Fait que là, maintenant, on me connaît un peu plus. Fait que ça, le monde me... Ouais, le monde me perçoit plus. Mais tu sais, je sais pas, là, j'appelle le gouvernement au téléphone. Ils savent pas nécessairement. Tu sais, ils sont pas nécessairement tout le temps en train de me discriminer. Puis je sais que j'ai plein d'avantages, puis j'ai tendance à les nommer, tu sais. Puis des fois, ce qui m'arrive, c'est d'être, par exemple, avec des personnes qui sont activistes, qui sont noires, puis qui sont comme, ben oui, effectivement, t'as tellement plus de privilèges que moi, qui suis issue de l'immigration, tout ça. Puis là, après ça, on parle, puis je réalise que, comme, je sais pas, ses deux parents sont de l'immigration professionnelle, sont ingénieurs, puis ils habitent dans une hostie de grosse maison, puis genre, ils sont vraiment riches, puis je suis comme, ah, OK, fait que moi, j'avais des malaises par rapport à toi. Puis j'ai l'impression que des fois, on rentre dans des dynamiques où est-ce que, tu sais, moi, je vais peut-être hyper focus sur le fait que j'ai moins de moyens que cette personne-là, fait que je deviens super rancunière. Ouais. Puis là, l'autre personne est comme moi, mais toi, t'es comme... t'es vraiment plus intégré au Québec. Tu sais, t'as plus de privilèges que moi, puis en fait, c'est toi qui as accès à tout. Puis là, ouais. ça devient tellement difficile. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas nécessairement tant quand on est à l'intersection de plusieurs trucs différents. Puis je trouve que quand on est dans une dynamique encore plus intime, ça devient tough des fois quand on n'a pas cerné ou capté le truc oui. de classe parce qu'on est tellement concentré sur d'autres problèmes. Oui. Pourquoi vous pensez que les gens ont autant de difficultés à se situer sur le continuum de la classe, puis à non seulement pas juste reconnaître d'où ils viennent, mais aussi où ils s'en vont, parce que c'est pas quelque chose de si fixe ouais. que ça, puis tu sais, je sais pas, moi je vois souvent, puis même moi j'avais tendance à le faire, tu sais, à parler du contexte dans lequel mes parents m'ont eu et pas dans lequel ouais. elles sont maintenant, tu sais, là, ouais. on we're well off, là, ça va bien, ouais. là, on parle de genre... rien de faramineux, mais moi juste de connaître le salaire médian, genre le salaire moyen, le salaire médian... non, médian, c'est ça n'a pas rapport à médian. Moyen. Je suis pas mathématicien. Hey, mon Dieu Seigneur, t'as pas dit quelque chose d'un peu injuste et d'un peu faux sur notre podcast? Oui, je... les deux données sont pertinentes. Non, mais juste de savoir c'est quoi le salaire moyen au Québec et au Canada, j'étais comme, ah, tu sais, parce que moi, d'avoir travaillé dans le communautaire pendant vraiment longtemps à me dire que, mon Dieu, 30 000 $ par année, ça allait changer ma vie, puis réaliser que c'était calissement rien. Tu sais, après ça, quand je suis passé à genre plus que ça, j'étais comme, mais je saurais jamais quoi faire de tout cet argent. Je suis ben trop riche. C'est quoi déjà, je pense que le salaire médian au Québec, c'est quoi? C'est 50 quelques mille? C'est genre, début 50 000, quelque chose de même, ouais. là. Tu sais, ouais. genre, je l'ai même pas encore atteint, puis moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent-là? Non, parce que j'avais pas de référent de savoir. Ça. Mais c'est ça. Non, mais moi, quand j'ai fait le switch entre service à clientèle puis travailler dans un bureau, j'étais comme, je suis riche, je pourrais plus jamais m'exprimer sur un enjeu social. Mais je pense que ce qui arrive aussi, c'est qu'on n'en parle pas nécessairement de ces affaires-là, des salaires, tout ça. Puis je pense que beaucoup de gens, je sais pas, comme moi, un truc que je trouvais vraiment particulier, c'est que j'ai étudié en théâtre parce que justement, je viens d'une famille où est-ce que ma mère était vraiment, elle vient d'une famille là, québécoise, il était vraiment pas riche, puis c'est vraiment... et c'est tous des chauffeurs de taxi dans la famille de ma mère, tu sais. Puis moi, mon père est un immigrant haïtien. Lui a fui la dictature Haïti. Il est arrivé au Québec, puis il a jamais, tu sais, il a été justement victime de... son travail a jamais été reconnu. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment difficile. Je viens de ce milieu-là, tu sais. Puis là, moi, j'arrive en théâtre parce que mes parents ont jamais... ils se sont jamais entendu que je fasse vraiment rien, là, tu sais. Il y avait comme pas d'attente dans ma famille. Il y a personne qui avait fait d'études supérieures dans la famille à ma mère. Mon père était comme complètement décalcé par la vie, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, OK, j'ai des traumas, je suis artiste, j'ai étudie la dinde, oui, il n'y a rien devant moi, tu sais. Fait que là, moi, je présume que tout le monde autour de moi, mettons, en or, sont là parce qu'ils sont un peu dans la même situation. Et là, eux, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Eux, en fait, il y a beaucoup de monde qui viennent de milieux super aisés, puis eux, c'est les petits rebelles, là, puis ils ont les moyens d'étudier en or, c'est pas grave, au pire, ils font d'autres choses après, puis ils vont avoir des sous, là, c'est pas la fin du monde. Fait que tout le monde présume, par exemple, que moi, je suis dans la même posture que eux. Moi, je présume que eux sont dans la même posture que moi. Puis vu que j'ai comme pas les codes, je comprends pas. Puis on peut vraiment passer longtemps à présumer quelque chose des autres. T'sais. Puis après ça, j'ai brièvement étudié en droit à McGill. Puis là, je voyais que tout le monde pensait que j'étais rendue en droit à McGill parce que voilà, Marie-Lou se révèle, elle vient d'une famille bourge. Puis j'étais comme, non, j'ai juste comme essayé n'importe quoi parce que j'étais perdue. J'ai eu des bourses d'entrée parce que j'étais trop pauvre. Puis que si j'avais pas de bourse, j'aurais pas pu étudier. Il a fallu que je lâche. C'est là que j'ai vu à quel point les gens lisent vraiment quelque chose dans notre posture sans savoir. Mais moi, je trouve que c'est là que le capitalisme a gagné dans genre l'aliénation du monde de comme on ne parle pas de ces choses-là, puis on est seul avec nos finances, avec l'argent, qui est un thème super personnel. Je vais garder, parce qu'on fait long, là, je vais garder ma tech pour après. Bon. On reprendra ça, c'est bon ce qu'on dit là, tout le monde. Ben, c'est bon. On s'en va se prendre un café au top d'un gratte-ciel où il y a un valet qui va peser sur le piton dans l'ascenseur pour nous autres. Comme ça, on pèse pas là-dessus. On va dire un hélicoptère, genre. Mais Taylor Swift nous prend au passage. Du dépanneur, on va prendre le lift. On va prendre le lift parce que c'est vrai que moi, ça me fait chier prendre l'ascenseur tant qu'à ça. Ben là, si on prend l'hélicoptère, le caliste, il est déjà sorti. Allons-y. Il est déjà chauffé. On va revenir, on veut café. C'est notre hélicoptère qui vient de... les effets sonores qu'on se paye chez Pigo. Moi, pour vrai, là... je te vois peser sur un piton d'effets sonores. Je suis plus à côté de la console. Non, c'est Mark, ça, c'est été réglé. Safe, il y a maintenant un moratoire sur où est-ce que Charlie peut s'asseoir. Mais en tout cas, c'est le fun, le tour d'hélicoptère, mais c'est juste moi, ça a vraiment genre défait ma mise en pli. Mais genre... Moi, je préfère les jets. Puis les bains chauffants étaient brisés. Moi, je m'excuse, mais la prochaine fois, faire réparer tes cochonneries. Là. En tout cas, mais non, mais calice. On est de retour au vœu-caféiné. Puis là, là, ben beau d'être critique, là. Mais on peut-tu avoir du fun aussi des fois? Est-ce qu'on peut être critique puis bien vivre sans devenir automatiquement gauche caviar illégitime de parler contre le capitalisme? Parce que je pense que c'est quand même un thème qui revenait tout le temps indirectement. Là. Qui peut parler de quoi dans quel contexte? Puis la classe, c'est aussi complexe, puis c'est ça. Ouais, mais c'est parce que, en tout cas, la classe, c'est une des rares identités qui changent dans une vie. Ouais. Genre, tu sais, puis. On exprime notre genre, on expérimente notre genre. C'est vrai que ça change. Qu'est-ce que t'as? Non, je suis juste comme dit la fille avec son comic-up. Oui, c'est ça! C'est exactement là où je m'en allais. J'étais comme, c'est faut trop quand même bon. Que nos entités, nos identités sont toujours fluides. Mais on comprend. Tu sais, c'est rare que tu vas devenir juste plus queer à l'âge, genre complètement straight, hors de la communauté, hors de l'âge. On guérit de l'hétérosexualité, mais pas l'inverse. Oui, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, c'est quelque chose aussi qui peut changer quand même drastiquement. Genre, tu sais, comme en ce moment. Je suis comme very close d'avoir dépassé ma mère en termes de classe sociale, genre où est-ce qu'elle était, genre à mon âge, puis tout ça. Puis comme ça, c'est plus rare, je pense. Puis avec l'inflation, c'est un accomplissement quand même. Puis là, ben, oui, quand même. Mais ça, c'est ça, grâce à la crise d'emploi dont j'ai pu profiter. Yes, but. Party. Mais ça, c'est encore une fois, c'est les résultats de mes privilèges d'avoir été capable de profiter de cette crise-là. C'est important de le savoir. Parce que là, je vois du monde, c'est qui chiale aux employés de service avec la tête. Ils sont comme, il y en a plein de jobs, si t'aimes pas ta job, tu peux. C'est pas tout le monde qui va devenir réceptionniste du jour au lendemain, là. C'est pas même ça marche. Alors, pour répondre à ta question, oui, non, on peut pas bien vivre. Non. Moi, je suis la gauche austère. Non, on peut pas bien vivre. Je suis la gauche austère du podcast. Tout le monde sait. Moi, je me sens mal à la journée longue. Je suis dans le guilt tout le temps. C'est vrai. Mais genre, moi, j'ai de la misère. Genre, tu sais, je me verrais pas faire. Tu sais, genre, des fois, je me sens mal de faire presque proche de 50 000 par année. Ouais. Je suis comme, genre, je me verrais pas. Genre, faire 200 000 par année, je serais pas capable de dormir la nuit. Je saurais pas quoi en faire. Penses-tu qu'on peut gagner sa vie décemment, mais pas devenir gauche caviar vendu bobo. Là, décemment ou richement? Hey, décemment, on peut, là. Mais décemment, mais c'est quoi tout décemment? Le monde a droit à la décence, c'est quoi ça? Décemment? Parce que moi, c'est justement, je suis comme, pour vrai, là, comme, qu'est-ce qui est civilisationnel qui veulent détruire non, les chars et mais les voitures? Comme, mais... Moi, dans la vie, je veux que le monde puisse avoir des vacances. Je trouve que c'est correct que le monde puisse se payer des vacances puis faire des choses ou qu'il y ait des projets créatifs qui ou juste des affaires qui font. pour eux. Puis des fois, là, avoir de quoi pour soi, c'est pas juste checker un cours de yoga gratis sur YouTube. Ouais, ouais. Ça implique aussi des frais, puis c'est correct. T'sais. Dans un monde idéal, oui. pour moi, tout le monde vit à ce niveau-là. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir 3 chalets? Je pense pas. Ou genre, tu sais, 2 chars, non. Ouais. Moi, jusqu'à là, tracer des lignes matérielles, mais en même temps, en termes de ce que les gens méritent pour s'accomplir. En tout cas, moi, The Happiness Lab, qui font des sciences sociales sur la joie et le bonheur. Ouais. Ils ont mené des études, puis à partir de 75 000, ça fait plus de différence. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Rendu là, de toute manière, comme t'en as. Comme, c'est ça, là, rendu là, tu te limites plus tant que ça. Donné... Mm. Fait que moi, je suis comme 75 000 pour tout le monde. Ouais, c'est revenu, ouais. revenu de base ben, universel. Revenu ah ouais! 75 000 pour tout le monde. Ah ouais! Mais c'est intéressant, ça, parce Manon, que. Manon, tu nous écoutes-tu? Manon? Manon, 75 000 pour tout le monde. Manon! Imagine. Mais tu sais, c'est intéressant ça parce que tantôt, justement, genre, c'est une affaire que je voulais amener, c'est que des fois, le classiste, on a beaucoup parlé des extrêmes. Ouais. Ben riche, pauvre, ouais, à partir ça. De quand? Puis tu sais, moi, je l'ai beaucoup vécu justement, genre, quand moi, j'étais en service à la clientèle, j'avais du monde qui était dans juste un peu des meilleurs jobs. OK, ouais. on va au resto. OK, on va à ta place. Puis là, ça devient gênant de dire, ouais, mais c'est parce que moi, j'attends après mon chèque de paye. Là. Ouais, c'est ça. Genre, ouais. ils sont pas si plus riches que ça. On est quand même encore capable de se comprendre, genre, avec des guillemets, là. On est quand même dans les mêmes cercles sociaux, mais. Ouais. Genre, d'assumer que tout le monde a de l'argent pour aller au resto le mercredi avant la paye, genre, juste ça des fois. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Je suis comme, fait que tu sais, la question se pose à partir de quand tu vis bien. C'est sûr, moi, des fois, j'ai un peu tendance avec la pyramide de Laszlo. Là, t'es logé, vêtu, nourri. Ouais. Après ça, c'est de l'extra. Ben, moi, c'est ça, c'est un peu ça, parce que tu sais, j'ai jamais fait même proche de faire 50 000 par année. Ben, puis j'ai vraiment un parcours tellement entrecoupé de plein d'affaires. Tu sais, genre, à un moment donné, c'est comme si j'ai give up. Tu sais, je me suis dit, ouais. ben, je pense que en ce moment, je suis tellement dans une espèce de quête, comme tellement anxieuse, mais réelle, là, de genre, hey, il faut que je sois capable de rester logé, il faut que je sois capable de subvenir à la base. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, ben là, j'avance en âge, je sais pas comment j'ai fait pour toujours réussir à, tu sais, me rendre à l'année suivante, ouais. tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi pas juste changer un peu mes attentes, tu sais, puis mes besoins. Fait que justement... je sais pas, tu sais, j'arrive pas à faire plein de vacances, tu sais, je trouve toujours ça tough de même sortir de la ville de Montréal, oui. tu sais, j'ai comme pas accès à... Je me disais, OK, mais plus ça va, puis plus le monde autour de moi, c'est justement pas les gens qui ont bien des moyens, fait qu'on dirait que je vois bien que plus t'as des moyens, plus tu t'entoures de gens qui ont des moyens, plus t'as accès à des moyens, plus tu sais, oui. comme, oh, pop, pop, si je veux un chalet, j'en ai plein autour de moi, oui. tu sais. Puis moi, je suis comme, OK, ben, j'essaie de chercher un chalet, puis j'en trouve juste pas, puis je pense que plus j'avance dans ma vie, puis moins ça va, j'aurais comme peut-être jamais accès à ça. Puis c'est terrible, mais en même temps, je me dis, ça me permet un peu de me réorienter par rapport à mes vrais besoins, puis ouais. mes vraies valeurs. Tu sais, c'est-tu genre, OK, j'ai besoin de prendre de l'air, puis d'être diverti. Y a-tu moyen de prendre de l'air, puis d'être diverti sans ouais. avoir un chalet? Tu sais, j'ai l'impression que des fois, j'arrive à être un peu plus créative dans les ressources ouais. ou mes façons d'aller chercher ce dont j'ai besoin. Puis. Peut-être un peu plus travailler mes relations aussi, j'ai l'impression, d'une certaine façon. Puis sans dire que ça remplace les sous, parce que, crime, l'angoisse financière que j'ai, c'est souvent, est souvent vraiment intense. Et j'ai fait faillite juste avant la pandémie. Tu sais, c'est quand même... Ouais. J'ai quand même vraiment vécu des choses rochantes, puis c'est toujours un peu un hustle, tu sais, mais en même temps, des fois, vraiment, là, je me dis, si tu me donnais 75 000, je sais pas si, comme... Je sais vraiment pas, là. Mais en même temps, je dis ça depuis une posture privilégiée aussi, tu sais. Je veux dire, j'ai passé la pandémie avec un logement dans une coop, tu sais. Qui sait qui a accès à ça? Ça m'a vraiment permis, tu sais. J'ai une ouais. subvention au logement parce que je suis trop ouais. pauvre. Comme, c'est... Si j'avais pas ça, je serais pas en train d'avoir ce discours-là en ce moment, là. Mmh. Je suis en train de juste capoter pour payer le loyer chaque mois. Fait que, ouais, j'ai pas vraiment répondu à la question. Moi qui m'attendais à ce qu'on trouve les réponses, là. Non, pas en tout. Ça, mais... Tu sais, il y a comme une logique des fois où t'es comme, je vais adapter mes besoins parce que ouais. je suis trop pauvre, mais il y a aussi un danger, je trouve, avec le classisme, ah ben oui. que c'est une identité que tu peux emprunter. Parce que tu peux t'endetter en esti. Ouais. Puis, je trouve souvent, tu sais, on parlait justement, là, tu sais, il faut que tu adaptes tes besoins, il faut que tu réfléchisses à tes affaires. Puis, des fois, ça va te détacher de certaines personnes aussi parce que, des fois, il y a des cercles où ils ont un petit peu plus que toi ou beaucoup plus que toi. Puis là, ouais. tu te sens quasiment mal de justement, moi, j'en ai pas de chalet à moi, je peux pas les ouais, inviter, moi, une fin de semaine. C'est tout le temps moi qui va chez eux. Ah, mais là, j'exagère avec le chalet, là, on connaît pas. Ah! Non, mais c'est vrai. Mais ouais. on sent à un moment donné, j'ai l'impression, moi, en vieillissant, là, que, tu sais, à un moment donné, c'est beau, là, les gens, comme t'inclus dans leurs affaires, mais tu sens qu'il y a quand même une attente à ce que, tu sais, à un moment donné, ça va s'équilibrer. Puis, tu sais, tout le monde va pouvoir aller au chalet puis amener une très bonne bouteille de vin. C'est ça, puis amener, genre, son fucking kayak. Puis, à un moment donné, si moi, je suis la personne qui est toujours invitée, ben, premièrement, je suis pas invitée, là, mais si je suis invitée au chalet puis j'ai jamais rien à offrir, je sais pas comment ça marche, je sais pas quel genre de bouffe il mange, j'ai pas l'argent pour contribuer. Pas les codes, ouais, j'ai pas, tu sais, je veux dire, si tout le monde se split les coûts puis j'ai pas ces sous-là, ben, là, ça y est, là, je suis plus dans cette gang de chalets-là, ils vont se changer, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi qui se passe, mais je sais pas, tu sais, puis oui, on adapte nos besoins, mais tu sais, je veux dire, je suis là, mettons, si j'ai un frigo, puis que ça fait 10 ans que j'ai mon frigo, puis j'ai pas besoin de le remplacer parce que j'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais Chris, s'il pète, j'en ai besoin d'un autre, là, puis si j'ai pas les sous, je suis dans la merde. Fait plus ça va, moins je réponds aux questions. puis ce qu'on voulait, c'était des réponses. Ouais. Fait que, en tout cas. C'était une erreur de m'inviter. C'est plate. Gang. Non, mais gars, comment on peut travailler concrètement contre le maintien des barrières de classe dans nos espaces queer? T'sais, c'est sûr que l'autre question à laquelle je m'attends à des réponses. Ah non, mais ça, je pense que c'est plus concret. Parfait. T'sais, je pense que ce qu'on voit beaucoup, puis c'est cute, mais des fois, ça peut être plus. Justement, parce que c'est pas le fun de dire au monde qu'on est pauvre. Il y a beaucoup l'effet du pay what you can dans la gauche en général. Genre, on essaie d'appliquer ça le dos. J'ai le pay what you can. Mais c'est parce que là, le problème, c'est que t'es obligé d'écrire à quelqu'un. D'y dire, genre, allô, moi, j'ai pas d'argent. Je peux être sur la guest list ou genre. Mais moi, pour vrai, comme party organizer, ce que j'ai du pay what you can, c'est que. Les gens qui peuvent pas payer, ils viennent pas. Puis les gens qui veulent pas mettre de l'argent qu'ils ont parce qu'ils se voient comme moins nantis, mais qu'au final, c'est juste des décisions, mais c'est de l'argent qu'il y a au final. Puis moi, je suis comme, pour vrai, ça me fait chier parce que organiser des parties, ben, tu sais, tu mets de l'argent on the line. Puis tu sais, comme la moitié du temps, ça paye pas. Puis oui, à un moment donné, ça va bien payer, mais Chris, pour toutes les fois où ça n'a pas bien payé, puis tu veux créer des espaces, puis genre, c'est du travail en Chris. Puis, genre, je m'excuse, là, mais moi, les rich kids de McGill, que, genre, ils sont tous payés par leurs parents, puis ils préfèrent garder l'argent de leurs parents parce qu'ils connaissent pas la valeur de l'argent. Ah, totalement, là. Puis finalement, les personnes qui ont moins de sous, mais assez pour y aller, ils vont être comme, ah, mais là, je me sens mal parce que je veux soutenir, puis ils donnent 20$. Oui, c'est ça. Puis là, la personne qui a les sous est juste comme, je veux rien te donner, mais je vais m'acheter 10 bières. Mais en même temps, moi, c'est vrai que comme party organizer, je trouve ça vraiment dur de faire comme, OK, tu sais, de vraiment se forcer à garder des prix accessibles, parce que là, maintenant, un party à Montréal, c'est facilement 20$, no matter where, là. Tu sais, c'est important. Garder des espaces qui sont moins chers que ça, mais en même temps, c'est un plus gros risque parce qu'il faut que tu le remplisses de beaucoup de monde pour rentrer dans ton argent. Blablabla. Fait que, ça devient compliqué, mais c'est sûr que le coût, c'est un déterminant. Moi, je pense pas, honnêtement, je pense pas que le pay what you can, ça fait l'effet qu'on veut. Je pense que. C'est ça l'affaire, ça marche semi. C'est sûr que c'est une bonne idée d'entrer en matière, genre j'appelle ça un peu des soins de première ligne. Genre, c'est sûr qu'on s'essaye, mais then again, moi souvent, en tout cas, moi de mon expérience ou avec les gens avec qui j'ai parlé, souvent c'est juste, il n'y a pas de pay what you can, c'est le prix que c'est, puis les gens qui sont cassés, qui veulent venir généralement vont t'écrire. Anyway. Pas nécessairement ça l'affaire. Moi, je trouve que ce qui est plate, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qu'on va juste perdre, puis tu sauras jamais qu'ils voulaient venir. Il y a ça aussi. Y a-tu des moyens? Mais je pense que juste ça, le fait de se poser la question, c'est vraiment un bon début. Là. Le fait d'avoir une conversation là-dessus, le fait de nommer ces choses-là, de faire hey, pay what you can, c'est une bonne idée, ça marche-tu, concrètement? Puis d'essayer de chercher d'autres solutions. Je trouve que déjà là, d'ouvrir ces espaces de discussion-là, même sans avoir de réponse, je trouve le fait de pas éviter les questions puis de faire comme hey, on n'a pas de réponse, on peut-tu en jaser, tu sais. Je trouve que ça ouvre déjà un espace qui était pas déjà là parce que on le dit plutôt là, déjà juste d'en arriver à nommer ces trucs là puis parler de pauvreté, c'est un huge step ici là. Moi, je trouve que quelque chose qui fonctionne bien alternativement à Pay What You Can, c'est de faire une liste, de dire combien de places t'as. Puis genre de faire, mettons, OK, tu sais, sur un party de genre 250 personnes, tu fais genre 25 places qui sont genre QDB Puck exclusivement, écrivez, on met votre nom, no questions asked. Parce qu'à un moment donné, moi, c'est ça l'affaire aussi. C'est que, tu sais, je suis là à chialer sur, genre, les étudiants de McGill qui veulent garder l'argent de maman-papa au lieu de payer pour rentrer dans le party, mais genre, je le sais pas pour vrai. Tu le sais pas, tu scannes puis tu te fais ton idée selon, mais tu sais, t'entends aussi tes amis parler de combien. Puis moi, ce qui me fait chier, c'est quand tu suggères un prix, souvent les gens se disent comme, ah, cool, je peux payer un prix que moi, je juge fair pour quelque chose. Fait que, tu sais, si tu fais un bar pay what you can, ben, tu sais, les gens vont pas payer beaucoup la consommation, puis vont vendre. Puis, en tout cas, tu sais, puis je comprends aussi, c'est ce que tu gères le prix en fonction de ce que toi, tu trouves fair, tu sais. Mais là, on parle juste d'événementiel. Comment est-ce qu'on peut briser ces barrières-là en général? Moi, une des choses que j'aime beaucoup rappeler, tu sais, dernier épisode, la semaine passée, on parlait un peu du village, puis des relations. Difficile, étendu entre les itinérants et les autres personnes dans le village. On y revient tout le temps, genre, mais des fois de rappeler que les itinérants itinérantes qu'on crise dehors du village, c'est aussi des personnes LGBTQIA de plus. Genre, des fois, on oublie beaucoup à cause de la classe sociale. Que là, hop, là, c'est juste des itinérants, c'est juste des pauvres, c'est juste des personnes sur le bord des pauvres, whatever, genre qui ont pas de look ou de queer passing look ou de queer activist look. Ouais. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, genre. Puis déjà, ça, de se le rappeler, là, quand on parle de pauvreté dans le village, on devrait aussi parler de pauvreté dans la communauté queer. T'sais. Des fois, on fait pas le lien. Puis je pense que même le fait d'avoir de commencer en réfléchissant à nos événements, il y a aussi le truc de comme, y a-tu des gens qui vont systématiquement pas aux événements, justement, parce qu'ils ont pas les moyens de genre se rendre, passer la soirée-là, revenir. Puis il y a quand même aussi un filtre qui se fait parfois qu'on réalise pas. Puis le fait d'un peu réfléchir en dehors de ces événements-là, je sais pas, ça peut peut-être aider aussi à naviguer ces espaces-là, mais moi, je sais pas trop. Mais il y a comme, je trouve, dans l'espace même interpersonnel, je pense des fois, dans l'intimité ou avec nos amis ou des trucs comme ça, d'avoir ces discussions-là, après, ça permet de justement rendre les endroits où on se réunit, peut-être qu'on ça rouvre la réflexion pour les événements qu'on crée aussi. Ouais. Moi, je trouve que quelque chose qui change pas mal l'affaire, là. Moi, c'est de comme enlever l'espèce de tabou du salaire. Genre, tu sais, les gens savent pas combien leurs amis font. Puis moi, pour vrai, là, quand j'ai commencé à comprendre combien mes amis faisaient, puis dire combien moi je faisais à mes amis, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé leur valeur, puis combien ils peuvent demander pour un salaire. Parce que sinon, tu le sais pas. Puis tu te contentes de peu parce que tu te dis que t'es déjà juste chanceux de faire quelque chose que t'aimes pour pourquoi t'es pas en train de vendre ton âme, tu sais. Puis je trouve qu'on entend parler de ça, de parler avec ses collègues de travail pour comparer les salaires, pour voir si il y a des gens qui sont traités inéquitablement. Mais c'est vrai qu'on se parle pas de parler de ça entre amis, tu sais, ou dans nos communautés. Puis comme je disais plus tôt, si on n'en parle pas, tout le monde présume que tout le monde est dans la même situation, alors que c'est peut-être pas le cas. Puis je pense aussi aux situations avec les personnes qui sont sans statut ou qui ont un statut temporaire aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens auprès de qui j'évolue qui sont super plus précaires que je pense. Puis je trouve qu'ils ont pas l'air précaires. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, il leur arrive une bad luck, puis là, ils sont obligés de rentrer au pays, puis là, ils peuvent plus revenir, en fait. Puis je suis comme, attends, tu rushais, puis t'étais à deux doigts de te faire expulser depuis tout ce temps-là, puis je le savais pas, parce que moi, je pensais que tu travaillais, puis tu sais, il y a des trucs comme ça qui se passent des fois où je me dis, si nous aussi, je pense que, pour revenir aussi à la question sur qu'est-ce qu'on fait avec nous, notre privilège, on peut-tu vivre, je pense que ça aussi, là, c'est pas juste aux pauvres de dire qu'ils sont pauvres, mais si nous, on a certains moyens d'être capable de le nommer, puis de se situer devant les autres, là, puis d'expliciter certaines choses, puis de se responsabiliser, puis de réfléchir à c'est qui qu'on n'entend pas parler parce qu'ils peuvent pas. C'est aussi là que le travail se fait. Mais je trouve aussi que, tu sais, quand dépendamment de qui fait combien, mais si c'est les gens qui font comme plus proche du salaire moyen puis au-dessus qui lead la conversation sur combien qu'ils font, ça aide à réaliser comme combien les gens autour font aussi, puis genre, qu'est-ce que toi, t'as comme ressources à partager? C'est là où je m'en allais. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, pas biller quelqu'un pour pouvoir utiliser ton char. Genre, tu sais, tu partages tes trucs. Tu sais, juste comme des affaires de même, parce que aussi, là, on est vraiment beaucoup dans un espèce de, comment t'appelles ça, là, le style de ubérisation de tout, que tu fais payer à l'utilisation de toutes les. Ah, mon Dieu, on va tout share également tout le temps. Tu sais. Puis moi aussi, en tout cas, tu sais, juste savoir que c'est pas grave là, si tout est pas shared de manière égale aussi. Puis c'est ça, c'est plus on valorise la communication sur ces enjeux-là. Plus les gens pourraient dire, genre, hey, ça dérange-tu si je cote pas sur le gaz, moi je suis vraiment short, puis les gens seraient comme, ben oui, c'est correct, nous on fait tout plus que toi dans la vie. Ben oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que si on n'a pas ces conversations-là, ce qui arrive, c'est que c'est les gens qui en font le moins. C'est comme le type, là. Les gens les plus pauvres sont ceux qui typent le plus, c'est parce qu'ils sont comme, ah, ben tu sais, eux autres, ils font pas beaucoup de sous, je vais donner ce que j'ai. Puis les gens qui ont des sous, ils font juste pas. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, dès que tu évacues ces conversations-là, la même chose va se reproduire dans tes cercles. Moi, je suis tout le temps la partisane de la gauche austère et du sacrifice, mais tu sais, moi, d'un point de vue personnel, c'est aussi un choix que j'ai fait, genre d'avoir une job de jour qui va payer le pain et le beurre. Oh, les petites arrêts de porte. T'as donné le pire son au monde, cette affaire-là, Chris. Genre, tu sais, comme moi, j'ai fait le choix conscient dans ma vie que j'allais avoir une job de jour bien régulière, bien ordinaire pour pouvoir faire des choses radicales le soir. Genre, pis tu sais, comme, oui, dans ma tête, il y a une notion de sacrifice. Il y a comme, genre, non, je deviendrai pas mainstream. Non, je vais pas faire du média de ma vie parce que je veux dire les affaires les plus trash au monde, les affaires de même. Genre, mais comme, tu sais, c'est ça. Genre, je connais mes privilèges, puis j'ai un petit peu l'état. Genre, bon, du coup, fuck, ça, c'est mon bouche, je get du clout. Let's go. Mais ouais. Comme, tu sais, genre, moi, j'ai décidé que j'étais comme, OK, moi, il y a quelque chose que je peux chercher. Je sais que j'ai assez d'énergie après ma job pour faire soit du podcast ou whatever. J'étais comme, ben, je vais y mettre du mien. Genre, je pense qu'on le fait tous et toutes. Je pense que pour répondre peut-être d'une façon pas financière, tu sais, mettons, moi, tu sais, je nommais les privilèges que j'ai plus tôt. Ben, j'ai aussi celui d'être la personne comme racisée qui est parfois considérée comme pas menaçante par les Québécois blancs parce que, genre, je parle comme ils parlent. Fait que là, je me dis, OK, ben, puis moi, quand je travaillais en théâtre, je le ressentais, tu sais, je travaillais dans des organismes culturels, puis je voyais les acteurs, les actrices vraiment rusher, puis être comme, on peut rien dire parce qu'on est trop, comme, dépendant de ces gens-là. Puis là, je me dis, OK, ben, moi, ma job ici, c'est que j'en ai un certain privilège, je suis capable de nommer certaines choses. Allons-y, je vais le faire, tu sais, mais en même temps, ça entraîne un backlash, c'est tough pour moi d'une certaine façon, j'ai pas les moyens peut-être à cause de ça de faire plein de dons à plein de monde parce que crime, je rush, mais en même temps, c'en est un certain privilège de classe, là. Si je, tu sais, je veux dire, j'ai bien beau dire que je rush puis je fais pas 50 000 piastres par année, j'ai quand même la possibilité d'aller faire une chronique à Radio-Canada de temps en temps, puis là, à un moment donné, quand je suis à Radio-Canada, je trouve que c'est ma responsabilité de nommer le fait qu'il y a du monde qui sont pauvres pour des raisons systémique. Puis genre, je trouve que ça aussi, c'est une façon de contribuer si t'as pas les moyens. Tu sais, puis je trouve que tout le monde a un certain privilège. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme selon le privilège que t'as, qu'il soit au niveau de l'espace que t'as, la visibilité, les sous, tu sais, c'est quand même un devoir que t'as de l'utiliser. Puis s'il y a des gens qui prennent pas cette parole-là, ils ont pas ce backlash-là, ils arrivent à avoir plus de sous, ben qu'est-ce que tu fais avec tes sous? T'es-tu en train d'aider le monde ou t'es en train de partir sur ton yacht? Tu sais, ça, je trouve que c'est important. OK, mais moi, je voulais y arriver justement parce que moi, il y a un truc où genre, je sais pas si je suis trop culturellement pour ces affaires-là, mais moi, la philanthropie anglo-saxonne de genre, il faut absolument que ton Instagram devienne, que tes stories, ce soit juste sharing des GoFundMe de gens qui vivent le plus d'intersections, de marginalisation, qui ont les situations les plus trash tout le temps, puis que là, à ce moment-là, quand on, tu sais, comme se faire justice via GoFundMe, puis je, comme, je comprends, là, puis genre, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, on donne tout de temps en temps ce qu'on peut à, genre, des affaires qui ont de l'allure, mais genre, moi, je ne vois pas de justice là-dedans, juste parce que au final, comme, je comprends aussi ce que les gens décrivent, là, c'est sûr que, comme, une personne blanche avec une conjoncture circonstancielle va lever vraiment plus de fonds plus rapidement que, genre, une personne racisée où c'est tout des trucs structurels super complexes, difficiles à vendre en trois phrases catchy pour faire sortir le cash au monde, tu sais. Mais en même temps, justement, je trouve que c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice, en fait. Parce que ça appelle à l'émotif, ça appelle à, genre, pourquoi, tu sais, je trouve que les particuliers sont pas... C'est pas selon ce à quoi les gens ont le plus envie de donner qu'on va régler le problème. Ouais. C'est tellement de travail de genre vendre et promouvoir. Pourquoi toi, t'aurais besoin de plus d'argent? Ben oui, alors qu'on veut juste tout un revenu décent. C'est ça le problème. Mais puis aussi, je trouve que ce que ça fait, c'est que finalement, c'est les personnes qui sont toutes marginalisées puis qui rushent toutes, qui font juste partager ces affaires-là. Ouais. C'est comme tout le monde se fait juste capoter qu'on n'a pas assez de moyens pour sauver toutes nos amis. Puis à un moment donné, ils sont... T'sais... C'est ça, on s'en sort pas, là. Je trouve vraiment pas ça évident. Mais tu sais, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, là. Puis des fois, ça peut vraiment faire la différence, ces GoFundMe-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aller plus loin pour régler le problème à la base. Oui. Puis je veux dire, moi, c'est vrai que plus le GoFundMe est proche de moi puis de mes cercles, plus je suis apte à donner. C'est pas vrai qu'un GoFundMe va tant reach out, genre, loin dans des communautés. Si c'est surtout pour ceux qui sont sur des enjeux personnels puis moins comme... mettons, des... t'sais, même à ça, là, ils font pas de levée de fonds pour, des groupes qui ont une mission claire, t'sais, ils vont faire autre chose. En tout cas, t'sais, moi... C'est pas évident, The GoFundMe era, là, je trouve que c'est tellement dystopien, là. Ouais. Ben, c'est un peu comme la uberisation, là. Il y a comme un truc de « OK, ben démerde-toi individuellement. » C'est comme... parce que, justement, tout se fragmente puis on n'a plus nécessairement le filet social qu'on devrait avoir en ce moment alors qu'il y a plein de crises. Puis c'est vraiment bad trippant. Puis c'est ça, effectivement, il n'y a comme pas de solution facile. Mais je trouve que d'essayer aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ultra proche de nous, là, c'est déjà une bonne façon d'essayer de... Oui. Je sais pas. Moi, je dis tout le temps, agir petit, comprendre large. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, là, there's only so much you can do. C'est, je veux dire, oui, je vais quand même m'intéresser à des enjeux genre extra-Québec, mais à un moment donné, là, je peux pas financer toutes les causes. Je vais réfléchir à plein d'affaires, mais c'est ça. C'est un peu comme tu as dit aussi, les GoFundMe personnels. Ben, personnels. Sur des enjeux plus, cette personne vient de vivre quelque chose, c'est urgent, aidez-la. Fine. Je vais toujours te donner sur ces affaires-là, mais... À un moment donné, je peux pas tous les suivre, puis je peux certainement pas donner partout. Au pire, on peut chialer sur un podcast. Oui! Yeah! Si on peut faire ça. Mm. Moi, je trouve que c'est comme vraiment un peu lourd là, comme conversation. J'ai besoin de me changer les idées. Fait, genre, j'irais me chercher un café au botabotan. Puis, genre, je prendrais vraiment le temps de juste comme réfléchir, penser à ces affaires-là. Parce que je pense que, tu sais, à un moment donné, le self-care, c'est radical aussi. Là. Il faut quand même garder ça en tête. Fait que, en tout cas, enfilez vos peignoirs blancs. Puis, suivez-moi, on y va. On revient, on veut café. Mais... En tout cas, moi, si les grains de mon café n'ont pas été chiés par le cul d'une marmotte, je le boirais pas. Ben, à un moment donné, il faut savoir comme... Choisir la qualité. Ben, faire le bon self-care aussi. T'sais, parce que oui, moi, je pense que tout est un peu plus cher, mais dans le fond, t'en as plus. Tout est du self-care, moi, je trouve. Mm-hmm. Je pense que dépenser plus d'argent sur une niaiserie, c'est du self-care. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Fait qu'on est revenu over-caféiné. Ouais, on est over-caféiné. C'est ça. Très pauvre, parce qu'on vit clairement au-dessus au moyen. Comment ça se manifeste spécifiquement dans la communauté queer? Puis là, comme pas queer comme juste le terme parapluie, genre n'importe quelle identité non hétéro, mais plus comme queer, genre militante, queer, radicale. Okay. Qui moi, le... OK, moi, quand quelqu'un commence par OK. Moi, le... OK, OK, OK, OK. Yes. Moi, là, j'ai bien de la misère avec comme... Il y a bien du monde, je trouve, queer, qui réalise pas l'espèce de privilège d'éducation. Mm-hmm. Puis je trouve qu'il y a du gatekeeping, de comme dire les bons termes de la bonne façon. Puis si t'as pas dit la bonne chose, t'es la pire personne. Puis t'as littéralement appris ça hier à l'école, dans, je sais pas, tes études supérieures où t'as eu des bourses doctorales, OK? Puis là, t'es en train de dire à une personne qui jongle plusieurs jobs puis qui est pauvre d'aller fucking lire un livre pour comprendre sa propre réalité. Là. Genre, ça, à un moment donné, là, mais ça donne, fera. Ça, ça donne là, des situations où, genre, des edgy straight boys en, hein, genre, baggy clothes puis avec du vernis à ongles, mais qui sont comme un petit peu ambiguous puis qui ont le bon langage, peuvent mieux naviguer, genre, la communauté que, genre, des tapettes un peu basic, genre, qui sont pas très edgy, puis que... Mais c'est que, au final, genre, qui c'est qui suce la graine dans des cruising spots et qui peut se faire pogner par la police? Eux autres, pis les edgy straight boys, genre, ils ont rien à condiciner. Ouais, puis inversement, je trouve que ce que ça fait aussi, pour tout... je sais pas, là, je suis quand même de l'âge où j'ai grandi sans l'Internet, là, mais je pense aux jeunes, mettons, là, qui se cherchent, puis qu'ils ont juste accès à un discours hyper pointu. J'ai l'impression que, tu sais, moi, comme personne qui a grandi vraiment à l'espèce d'intersection de plein de situations différentes puis qui n'avait pas vraiment accès à une communauté en vrai, j'ai beaucoup vécu des trucs de « OK, ben je vois une communauté être super rigide sur certaines affaires puis je me retrouve pas là-dedans dans leur discours où ça me stresse. Fait que I guess que je comprends juste naturellement pas. Puis si je comprends naturellement pas, c'est que I guess que ben je fais pas partie de la gang, tu sais. Puis j'ai bien de la misère avec ça parce que à un moment donné, c'est comme j'ai l'impression qu'on est tellement dans une espèce de flasher ce qu'on a appris puis ce qu'on sait, puis nos moyens, nos ressources, que les gens qui vivent la même réalité mais qui n'ont pas les ressources, ils sont juste éjectés, tu sais. Tu sais, on se pose la question comment ça se manifeste dans nos communautés, tu sais, des fois, puis je pense un peu à... Moi, comme personne, je suis quelqu'un qui verse vraiment facilement dans le classisme intellectuel. Longtemps, parce que j'avais donc étudié, puis donc fait mes travaux en littérature, j'étais comme, vous avez rien qu'à faire la même affaire, gang d'un culte. Puis tu sais, c'était tout le temps... Ben là, si t'as le temps de faire ça, t'as le temps de faire ça. Exactement, ça, c'est la base du discours. Après ça, c'est sûr qu'en vieillissant, bon, probablement j'ai quitté l'UQAM à cause de ça. J'écoutais le monde parler au café à Quin, j'ai dit « Chris, c'est de même que je parle ». Ouais, c'est ça, ouais. Là, j'ai eu un esti de choc, j'ai plus jamais été capable d'écrire un travail, whatever, ça a bloqué là. J'ai dit « ça se peut plus, ça se peut plus ». Fait que je me suis libéré du classisme, puis j'étais une meilleure personne que toutes vous. Yes. Exact. Mais genre, maintenant, ce que je trouve plus difficile, par exemple, c'est naviguer la ligne entre... Pour telle ou telle raison, je pense que tu serais capable de faire plus d'activistes, d'être plus politique. Tu sais, sur notre autre podcast de Crash Tonté, genre, je sais pas combien de fois on dit genre, ah, telle drag queen, on aimerait ça que ça soit plus politique. Telle drag queen, on aimerait ça que ça. Fait que j'ai de la misère à naviguer la ligne entre tu devrais savoir ce que moi je sais, puis j'ai quand même raison de te dire que tu pourras en faire un peu plus. Ouais, mais je pense que c'est normal parce que c'est vrai qu'il y a un tough à naviguer. Ouais. Là. Tu sais, dans la vraie vie, les situations sont pas évidentes. Puis des fois, les gens, c'est vrai qu'ils pourraient faire plus de travail, mais en même temps, pourquoi ils en font pas plus? Sont-ils dans une situation qui n'ont pas de bon sens? Tu sais, ou juste des affaires comme le. Je sais pas, comme, tu sais, mettons la culture du coming out. Là. Puis tu sais, si quelqu'un n'a pas fait son coming out, c'est comme elle a pas. Tu sais, c'est pas une real ou est en train de. Tu sais, est en train de nuire à la communauté. Puis c'est comme, est-ce que cette personne-là est justement d'une espèce de culture où son seul accès accès à sa culture, c'est sa famille, mettons. Puis si elle fait un coming out à sa famille, elle perd l'accès à cette culture-là, puis c'est important pour elle. Ou, tu sais, il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que les gens n'ont pas accès à autant de filets, à autant de ressources que d'autres, et ça fait en sorte qu'ils naviguent difficilement certains enjeux et ils se comportent pas de façon, entre guillemets, politiquement correcte. Mais en fait, c'est que si tu creuses, tu réalises que c'est juste vraiment compliqué leur situation. Puis je trouve que, tu sais, j'en reviens à plus le classisme, mais il y a tellement d'intersections justement entre différents milieux puis différents privilèges que d'être capable de comme respirer un peu puis de poser des questions, voir d'où la personne arrive, avant de faire comme, OK, ben vraiment, t'as toutes les ressources, tous les moyens, puis tu fais juste pas la job. Tu sais, de peut-être poser la question avant. Ça peut vraiment mener loin. Ah, c'est difficile d'être de bonne foi tout le temps, par exemple, Ah, moi, j'essaye même pas. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je suis vraiment trop patiente, vraiment souvent avec du monde. Puis après, je réalise que j'aurais vraiment pu péter une coche avant. Tu sais, fait que je dis ça. Puis moi-même, c'est quelque chose que j'essaie de naviguer en ce moment. Puis j'apprends beaucoup. Puis j'essaie. Puis aussi, la fine ligne entre pour nous-mêmes aussi, là, tu sais, être comme avoir de l'indulgence pour soi-même, puis être patient, puis s'instruire, puis en même temps prendre soin de soi, c'est pas toujours facile. Puis on fuck up souvent, je pense. Je réfléchissais tantôt, mais tu sais, on vous l'a sûrement déjà dit, c'est qu'on s'est tout fait dire ça. Tu vas, en vieillissant, tu vas devenir plus conservateur. Ouais. Est-ce que c'est pas une illusion de gens qui ont vécu sous l'État-providence et qui, en vieillissant, sont juste devenus plus riches? Une affaire de boomer, là. Oui, non, mais. Ouais. Parce que, à un moment donné, mettons, moi, demain matin, là, je suis payé 200 000 par année pour faire de la radio, mais tu sais, faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais. Hey, tu y penses. Tu t'assois puis tu réfléchis. Genre, tu dis-tu, je vais-tu couper les menaces puis les propos vraiment radicaux? Moi, c'est ça, j'ai de la misère avec pour... le truc de boomer. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut watch out parce que des fois, moi-même, j'utilise comme les références aux boomers puis je suis comme, est-ce que je suis en train de hyper-focus sur les boomers justement parce que je veux pas regarder en face les zones où est-ce que moi, je devrais faire du travail puis je veux pas, genre? Ah, bon, on aura toujours puis je suis en train de devenir moi-même de boomer, tu sais. Mais... je pense qu'il faut faire attention à ça, là, mais effectivement, tu sais, je sais pas, des fois... Mais je pense que c'est tough, surtout dans les communautés où est-ce qu'on a beaucoup lutté, tu sais, puis justement, beaucoup été précaire, puis à un moment donné, c'est tellement ça ton expérience de vie que t'as l'impression que c'est ça, puis que tu réalises pas que t'es justement devenu plus bourge que t'étais, puis t'es plus assis que t'étais, puis en fait, il y a du monde qui rush bien plus que toi maintenant. Ouais. Ça, je pense que c'est une zone où est-ce qu'il faut faire attention, puis je parle de moi-même aussi, là. Ouais, des fois, tu représentes plus la classe que tu penses. Ouais. Puis il faut que tu le saches. Ouais. Conscience de classe. Ouais, moi, il y a un truc aussi de, tu sais, à l'interne de, genre, quand nécessairement t'es militante, il y a une association aussi avec... Puis moi, je suis comme, dans une certaine mesure, je pense qu'il faut comme distinguer le classisme de, genre, toutes nous autres versus le 1% de la classe possédante, qui est comme probablement la forme la plus violente, mais t'as aussi le classisme ordinaire de comme, OK, mais genre, à un moment donné, c'est pas vrai qu'on est tous égaux dans ce 99%-là, là, tu sais, il y a quand même des ramifications... je pense que, tu sais, à un moment donné, l'espèce... ça sert vraiment plus aux gens privilégiés, ce flou-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est aussi de tu sais, je trouve que des fois, ça donne... tu sais, parce qu'on s'entend, là, ça m'émère en esti, là, entre activistes. Fait que là, tu sais, tu le sais tout le temps indirectement, mais de d'autres gens qui a quel moyen dans le fond, blablabla. Bla, bla, puis t'es juste comme, tu sais... comment je peux dire? Je trouve que... t'as vraiment des dynamiques qui se développent comme avec n'importe quelle autre oppression où c'est comme les privilégiés qui se snitchent entre eux pour comme montrer que eux autres dans le fond ils sont des real puis qu'ils sont pas, mais puis à un moment donné je suis juste comme, tu sais, je comprends là aussi que des fois les gens qui sont pas clairs avec genre leurs ressources, leur positionnalité, genre c'est pas tant nice. Ceci étant dit, c'est vrai que si tu veux rester dans un groupe militant, dans une positionnalité politique à laquelle tu t'associes, c'est compliqué. Tu sais, comme, faut qu'on le tisse ensemble, vraiment. Le chemin vers, genre, ben, être upfront, mais genre, pas oversell. Puis, tu sais, des fois, je trouve que quand on reconnaît notre privilège, on a trop tendance à, genre, beaucoup le contextualiser pour pas penser que les gens pensent qu'on est hyper privilégié, blablabla. Puis, tu sais, à un moment donné, genre, ça. Je trouve que c'est compliqué, mais je trouve que, genre, l'espèce de truc où c'est facile d'être de mauvaise foi puis de snitcher les autres pour avoir l'air du bon allié. Genre, c'est un truc qui revient avec le classisme aussi, mais je trouve. Mais c'est vrai que ça, c'est tough, là. Mais tu sais, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une posture nuancée par rapport à... Tu sais, c'est vrai que des fois, je vois des gens que je trouve super hypocrites dans mes différents milieux. Tu sais, mettons, qui ont un discours en public puis en fait, quand t'as quand tu les as côtoyés ou tu as travaillé avec ou tu as collaboré ou tu as vu comment ça se passait en coulisses, t'es comme waouh, cette personne-là agit vraiment pas comme son discours. Puis mais... abonnez-vous au Patreon pour la liste de noms complets de personnes avec qui Marie-Lou est en train de parler. Hey, non, mais c'est même pas. Je peux même pas dire que je vise une personne tellement c'est non, général. Il y a tellement de monde. Mais tu sais, des fois en même temps, je suis comme OK, ben il y a certaines personnes qui font vraiment des choses, ils ont vraiment un discours qui est vraiment super utile, qui fait un travail. Merci de faire ça. Puis en même temps, il y a comme une certaine hypocrisie, puis en coulisses, il se passe d'autres choses, puis les deux sont vrais en même temps, tu sais. Ouais. Fait que je suis un peu en mode, comment est-ce que je fais pour ne jamais, comme, tu sais, descendre ces gens-là publiquement, puis juste être dans des espèces de guéguerres internes qui font juste tout déconstruire ce qu'on est en train d'essayer de bâtir. Puis en même temps, être dans une espèce de travail de OK, ben comment on peut se responsabiliser, comment on peut se keep in check un peu, demander mieux, faire mieux. Parce que des fois, vouloir être nuancé puis de bonne foi, on finit juste par se gruger. Puis des fois, you need to dumb it down puis accept that bitches be trash sometimes. Mais c'est difficile de savoir quand aussi, quand est-ce, tu sais. Ouais. C'est quand que t'arrêtes, en tout cas. Des fois, il faut juste se détacher puis faire ses shit, tu sais. Puis des fois, il y a des gens que je suis comme OK, cette personne-là va juste toujours venir me chercher puis m'irriter, mais comme elle est là puis moi je peux faire mon travail de mon côté, puis si je trouve qu'elle fait pas bien son travail, ben écoute, je peux peut-être me concentrer sur celui que moi je fais, puis justement être dans ma propre communauté, puis de faire le travail là où je peux en faire, tu sais. Est-ce que vous pensez qu'on peut être politiquement queer sans avoir d'analyse de classe? Moi, je pense pas qu'on peut réfléchir le monde dans lequel on vit sans avoir des analyses de classe. Là. Ouais. Ce serait sinon de revenir à l'histoire avant Marx, mais c'est vraiment une question nounoune, parce que, tu sais, je veux dire, en tout cas, queer à base, c'est... Non, non, on va... Mais je pense que, pour vrai, je pense que maintenant que... c'est le truc de la queerness est genre extrapolé, puis que aussi les capitalistes récupèrent un peu tout, tu sais, tu peux même avoir du féminisme super pacifié, vraiment gentil, qui challenge rien, tu peux avoir de la queerness qui fait ça aussi, tu sais. Tu sais, moi je pense que est-ce que dans les faits c'est possible? Oui, je pense que nous on considère pas ça comme du militantisme ou comme quelque chose de radicalement queer, c'est juste utiliser des buzzwords puis bien paraître. Ouais, c'est ça, je pense même que je pense que le militantisme de surface et justement seulement sur les enjeux de classe. Tellement est-ce qu'on peut pas éloigner les enjeux de classe. Parce que souvent, le genre du militantisme de surface, c'est ces gens-là ont besoin d'avoir accès à une maison. Pas le capitaliste, c'est de la merde, la crise du logement est en train de tuer le marché immobilier, Le racisme systémique. Genre, on n'est pas là-dedans, genre, on est juste aider ces gens à avoir accès à des vêtements et à une coupe de cheveux pour Noël. Ouais, je pense que c'est encore plus important maintenant parce qu'il y a vraiment toujours un danger, je pense, avec n'importe quel mouvement où quand soudainement on est comme ah, ça y est, tu sais, il y a une personne noire à la télé, il y a un personnage queer dans la série, ça y est, c'est réglé pour tout le monde, là, les queers, ça va super bien. Puis c'est comme attends, c'est justement là, maintenant qu'il y a une représentation, puis qu'on en parle, qu'il faut vraiment parler des vrais enjeux, là, sinon on est en train d'être dans le superficiel, puis c'est pas vrai que ça trickle down. Puis que les personnes qui rushent le plus puis qui n'ont pas de logement en ce moment, ils ont un logement parce qu'il y a une histoire queer à TV. Là, Moi, je pense que les féministes matérialistes de Lucam avaient raison, puis que dans le fond, le queer, c'est juste un lifestyle, puis ça va rien changer. Puis qu'il y a juste en. Il y a juste avec le marxiste qu'on va y arriver. Les queers on peut pas le faire sans. Moi, je suis d'accord. Non, mais aussi comme si les queers n'étaient pas marxistes ou comme si tu ne peux pas avoir une analyse matérialiste, genre avec des notions queer, en tout cas. On est content que ce temps-là soit révolu. Mais par contre, des fois, c'est intéressant de sortir de l'analyse de classe. Ça, c'est sûr. Parce que justement, comme je disais, on est beaucoup là-dedans. Genre, on est plus susceptible d'être pauvre. On est plus susceptible de... Des fois, je suis comme, est-ce que c'est nous qui sommes plus susceptibles ou est-ce qu'on utilise un vocabulaire où c'est tout le temps un peu de notre faute, c'est notre identité et non pas c'est le système qui fait ça, c'est le... Des fois, il faudrait sortir peut-être du classisme, mais plus dans le systémique. Je ne sais pas si ça fait du sens. C'est ça. Il faut se rappeler que tout ça étant intersectionnel, puis n'importe quel discours peut être utilisé pour invisibiliser le reste aussi. Je pense que quelqu'un qui est hyper concentré sur la classe de certains individus dans un groupe est en train de ne pas réfléchir à justement d'autres enjeux qui peuvent être liés à la classe ou des trucs plus systémiques, puis comment toutes ces intersections-là travaillent ensemble, puis comment l'État contribue. T'sais, tout ça étant super complexe, fait que je pense que c'est un outil, c'est une grille d'analyse, mais il faut s'en servir avec les autres outils aussi, parce que sinon, on passe à côté de bien des choses. Des fois, c'est comme vraiment brainy puis intense de parler de ces affaires-là, fait que moi, je veux terminer sur une question nounoun. Un velours niaiseux qui coûterait vraiment beaucoup d'argent, mais que vous aimeriez beaucoup, ce serait quoi? Genre quelque chose de comme, oh my god, tu sais, comme ça a absolument pas d'allure, mais genre le capitalisme a réussi à genre vous donner envie, genre. My god. Genre mais, guilty pleasure, genre. Ouais, ouais. Non, mais de, mettons qu'on est multimillionnaire. Mais de personnes fucking riches, là. Tu sais, pas genre un Vitamix, là. Genre, c'est atteignable dans ta vie, c'est juste fucking cher. Mettons, je suis fucking. Hey, je sais même pas. My god, j'avoue que moi aussi, je... On peut. Oh, attends, on va se donner une petite pause, là, parce qu'il y a du montage. Et c'est vraiment intense. Là, mais. Wow. Mais non, mais pour vrai, je sais pas. Tu sais, mettons que tu me donnes, ça me stresse des fois de penser à si j'avais vraiment immensément d'argent, parce que je sais même pas. J'ai comme pas de. Tu sais, pour vrai, là, genre, avoir accès à un chalet, genre, fucking pouvoir décalcer de la ville quand je veux, puis avoir. Parce que moi, c'est vraiment l'affaire qui m'a fait capoter, là, parce que des fois, je vis des affaires qui sont vraiment tough, puis j'ai l'impression que les gens comprennent pas pourquoi je rush avec ça, tu sais. Mm-hmm. Puis je suis comme, tu dis que tu comprends pas pourquoi je rush à process des affaires, puis tu viens de passer l'été dans un chalet, mettons. Puis là, moi, j'habite sur un boulevard, comme, peut-être que c'est ça, contempler le vide, là, ouais. Peut-être que c'est le fun, puis que c'est pas tout le monde qui a accès, puis genre, j'ai l'impression que j'aurais même pas besoin d'un million. Là. Je voudrais juste que, comme, avoir accès à un spot tranquille ou être tout seul. Moi, pour vrai, là, mon gros fantasme dans la vie, là, genre de comme mon oh my god, mais tu sais, c'est ben trop fastueux, je pourrais pas penser à ça. Ouais. Ce serait d'avoir un 5,5 à moi tout seul. Mais c'est ça! Non, moi je. Oui, c'est ça, un 5,5. Imagine, mais tu sais. Parce que moi, dans mes rêves les plus fous, je suis comme une pièce de plus. Un 4,5. Et t'sais. Complètement. Mais là, un 5,5 à moitié. Je sais ça. Hey. Moi, je sais que, genre, comme tout bon millennial, ce que je veux faire avec si j'ai plein d'argent, c'est aider ma communauté. Je pense qu'on est toutes. Moi, je rêve d'être propriétaire pour pouvoir loger des personnes queer. C'est pas un pageant, tabarnak. Là, non, mais c'est ça, pareil. Moi, j'aurais carrément une usine à or queer. Genre, il y aurait 20 machines à coudre, la place, du bois, du tissu, du make-up, de la peinture, you name it, you do it. Puis là, j'aurais du monde en résidence qui roulerait à l'année. Moi, je ferais rien, me pogner le cul et me promener là-dedans. J'aurais l'impression d'être back to Saint-Laurent. Ah, mais c'est ça. Ça serait super. Puis tu sais, même moi, mon affaire de chalet, là, moi, j'imaginerais juste comme un concept d'accès à... déprivatiser ces accès-là, puis d'en faire justement un système où est-ce que tu as besoin d'être tout seul, ben tiens, t'arrives à être tout seul, puis c'est pas juste le 1% là, justement qui a accès à être tout seul dans le bois. Sinon, juste avoir un assistante exécutive ou un assistant exécutif, je serais bien content. Ah ouais. Ah, oh, quelqu'un qui fait toute mon administration, puis qui répond mes courriers. Ouais, exactement. Ouais. Ce que les artistes appellent un gérant, je trouve ça tellement bizarre. C'est pas ça. C'est ton assistant exécutif. Appelle pas ton gérant, il va penser qu'il y a du pouvoir. Hey. On est là à rêver dans le vide. Ben là, tu vois comment qu'on est pauvre? Si on est comme, ben moi, je suis moins pauvre que j'étais, mais comme, tu dis qu'on est là, puis. J'ai pas d'idée, je sais pas. Non, mais en même temps, je dois le chalet, c'est une excellente idée. Moi aussi, je voudrais le chalet. Mais tiens. Est-ce que c'est la dernière affaire que je voudrais? C'est être obligé de sortir de chez nous pour aller dans un autre chez nous. Mais c'est ça, mais l'affaire. Oh my god, c'est déconne. Mais. Moi, l'affaire, c'est que, genre, c'est le fun d'un chalet. Je voudrais jamais avoir à m'occuper d'un chalet. T'es obligé de toujours revenir à ce chalet-là chaque fois que tu sors de chez toi. C'est à cet endroit-là que tu vas. Non, mais c'est ça. Mais vu que t'as un mindset de pauvre, tu partages. Puis là, tout le monde se split ces affaires-là. Puis tout le monde est content. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui fait ton ménage. Mettons, moi, là, j'ai pas besoin d'avoir un autre projet qui demande des réunions. Non, mais tu me dis, là, que j'ai accès à un chalet si je passe la mop. J'y vais, là, à ton chalet, passer la mop. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un pour faire l'entretien de son chalet. Hey, c'est terrible. Je suis là à des podcasts là, à faire comme je vais passer la mop chez vous. C'est tellement genre. Je veux dire, comme, là, on est en train de tomber dans quelque chose que je suis pas à l'aise. Okay, vous juste comme me donner au chalet. Bon. Il y a des problèmes structurels ici. En tout cas, on s'en va à Mont-Tremblant dans notre fastueux chalet avec une mezzanine et un foyer. Ben, tu sais. On a ça, finalement. Oh, on a tellement d'affaires. Patrimoine a explosé cet été. On sortait rien, mais le monde voulait nous donner de l'argent. Fait qu'on s'est payé un chalet à Tremblant. Mais puis pour vrai, avec ces sommes faramineuses, là, donc, qu'on a placées dans une fiducie, d'ailleurs, là, qui est gérée par... Oui, dans notre paradis fiscal à Laval. C'est ça. Oui. Fait qu'on s'en va là-bas, puis on vous revient. On veut caféiner. Piou, piou. Piou. T'as-tu beau les couleurs à Tremblant? Hein? Magique. Féerique. Incroyable. Pittoresque. Incroyable. Ouais, je suis vraiment désolé aux pauvres sur lesquels j'ai craché. C'était involontaire. On faisait juste passer par là. Je suis vraiment désolé. Et c'était tout pour notre épisode de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Lou. C'était vraiment le fun. Hey, merci pour l'invitation. Je suis content qu'on ait go full circle depuis le lift en 2018 à New York où je t'ai invité sur le podcast avant même qu'il existe. Oui. Voilà. Puis que là, maintenant, t'es sur le podcast 5 ans. Il y a bien des affaires qui se sont passées que c'était podcast avant qu'il existe. On l'a annoncé sur Radio-Canada. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Hey, pour vrai, on n'avait même pas encore le podcast que Chris qu'on annonçait des affaires. Yeah. Parlant d'annoncer des affaires, t'as-tu des plugs à faire pour à la vie, là, à juste. Ouais, mais je suis tellement pourrie dans les plugs, mais je me suis fait un site web. J'ai maintenant un site web, marieloucraft.com. Yes. Comme ça, quand les gens veulent des plugs, puis que je suis perdue, puis je sais pas quoi répondre, je les ai mis là-dessus. Allez voir le calendrier. Ouais, oui, j'ai un calendrier, j'ai des livres, j'ai des trucs que j'ai écrits dans des recueils, fait que vous allez pouvoir trouver ça. Puis j'ai des perflugs que vous pouvez écouter, tout est là. Nice. Puis moi, ben étant pas juste un podcasteur de Gauchester, mais aussi un jeune humoriste fringant et drôle, je plug encore le Snowflake Comedy Show où je suis le chroniqueur. Ça veut dire que je suis là à tous les mois puis que je change ce que je dis à chaque fois. Puis qu'à tous les fois, je me out drôle de mois en mois. Et ça commence le 5 novembre au Jockey dans la petite patrie. Yeah. Allez voir ça. Si Dieu merci, enfin plus d'humoriste. on en avait besoin. On en avait besoin quand même. T'as pas un sideline drag queen aussi? Ouais, ben rendu là, je veux dire, podcasteur, DJ et stand-up. Ouais. Je veux dire, il faut que je commence le drag queen, parce que t'as moi. T'as pas besoin de make-up, t'es assez drôle, toi. Tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dessus. C'est 2 FIF le matin, le chiffre 2. Comment t'as formulé ça? C'est tellement bon! Tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dessus. Tous les réseaux sociaux, 2 le chiffre 2. FIF avec un X à la place du I. Pas se passer dedans, pas les émeurs. Tout en un mot. Tout ça en un mot. Merci encore, Marie-Lou. Voilà. Merci à vous autres. Bonne semaine. Les mots de merci, prochaine à la semaine. Prochaine à la semaine. C'est fini, je suis brisé. C'est terminé, je suis brisé. Le CD est trop scratché. Oh my God.